Ils sont partis de rien, prenant en main leur destin. Sort de l'inconnu comme touchant à ce qu'ils atteindraient demain. Les yeux ouverts, conscients des sacrifices qu'ils devaient faire. Ils quittèrent leur terre en délaissant ce qu'ils avaient de plus cher. Sur lequel j'imagine ce qu'ils devaient ressentir quand accostait le bateau et que sonnait le moment de partir. J'imagine quand leurs femmes leur disaient ne pars pas, quand leurs enfants vinrent tenter d'agripper leurs bras. C'était dur tout quitter. Pourtant ils l'ont fait, pour nous construire un monde meilleur où l'on puisse habiter. Malgré tous leurs efforts, certains s'acharnent à détruire leurs tâches. Prétextant qu'ils veulent du cas, génération troublée, j'arrive plus à te comprendre. Mon père en a bavé, et j'ai mis trop de temps à comprendre. Comme le tien, c'est un travailleur immigré, pour donner une idée. Plus de 50 ans de travail acharné, triste vie, mais c'est celle qu'il avait. C'était pour nous qu'il en bavait. Hommage à celui qui m'a créé, hommage à mon père qui ne sera jamais oublié. Hommage aux travailleurs immigrés, hommage à tous ceux qui ont pris le bateau. Aux Marocains, aux Algériens, aux Africains, chapeau. Hommage à tous ceux qui en ont vu un peu trop, qui portent dans leur âme les marques que leurs ancêtres portaient dans le dos. Hommage à tous ceux qui ont pris le bateau. Aux Turcs, aux Indiens, aux Hindous, chapeau. Hommage à tous ceux qui en ont vu un peu trop, qui portent dans leur âme les marques que leurs ancêtres portaient dans le dos. Voudrais rendre un hommage à tous ceux qui un jour ont quitté leur terre à la rencontre de meilleurs jours. À tous ceux qui partent du Cap Vert, ont quitté l'île de Santiago, de Brava ou de Fogo, laissant derrière eux des litres de larmes, leurs enfants, leurs femmes, leurs grog dans les champs de canne, troquer leurs princes pour des bungalows, le soleil d'Afrique pour le froid d'Europe. Je pense à toutes ces heures passées sur les chantiers, on leur avait payé l'aller mais pas le retour. À tous ceux qui, comme mon père, par la grâce de Dieu, ont construit notre avenir, mais à quel prix. J'ai été dans les rues depuis longtemps, de là j'ai réalisé des kilomètres parcourus. T'as vu, hommage, hommage, hommage. Hommage à tous ceux qui ont pris le bateau. Aux Marocains, aux Algériens, aux Africains, chapeau. Hommage à tous ceux qui en ont vu un peu trop, qui portent dans leur âme les marques que leurs ancêtres portaient dans le dos. Hommage à tous ceux qui ont pris le bateau. Aux Turcs, aux Indiens, aux Hindous, chapeau. Hommage à tous ceux qui en ont vu un peu trop, qui portent dans leur âme les marques que leurs ancêtres portaient dans le dos. On nous accuse de manger le pain des autres, on nous accuse d'occuper une place qui paraît-il n'est pas la nôtre. On nous accuse d'être là, on nous accuse d'avoir mis la France en beau drap. Ils disent qu'on a fait des lunes poubelles, dois-je en conclure qu'on est les rebelles. Du regard, on me dit souvent que j'ai le bonjour chez moi, c'est leur manière eux de me dire à quand tu rentres chez toi. Mais je m'en tape, peux-tu me dire ce que je leur dois. Je peux te certifier, jamais l'un d'eux m'a offert un toit. À eux je leur dois rien, je me fous de la montée du FN, ça me fait rien, ça devait arriver c'est certain. Et si ça te choque, Renoir, sans cheveux comme toi, j'ai la peau sombre, les marques de l'esclavage, mais je suis sorti de l'ombre. Hommage à tous ceux qui ont pris le bateau. Aux Marocains, aux Algériens, aux Africains, chapeau. Hommage à tous ceux qui en ont vu un peu trop, qui portent dans leur âme les marques que leurs ancêtres portaient dans le dos. Hommage à tous ceux qui ont pris le bateau. Aux Turcs, aux Indiens, aux Hindous, chapeau. Hommage à tous ceux qui en ont vu un peu trop, qui portent dans leur âme les marques que leurs ancêtres portaient dans le dos. Love someone.